Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Michel Carmona, historien du Grand Siècle, est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours une joie de recevoir Michel Carmona en sa compagnie. Nous allons évoquer une des plus hautes figures de l'histoire de France, le hiératique et angoissé, puissant et contraint, insinuant mais impérieux cardinal de Richelieu. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous fera visiter l'ermitage du Père Joseph à Rueil. Mais oui, un lieu étonnant, intéressant d'un point de vue historique. Avant cela, je vous aurais raconté la dernière année du Grand Cardinal, cette année 1642, où les événements se sont précipités comme rarement dans l'histoire. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Certaines années sont plus chargées que d'autres, les événements s'y accumulent, s'y bousculent, c'est le cas de 1642, la dernière année de la vie du cardinal de Richelieu qui devait mourir le 4 décembre 1642. Il était âgé de 57 ans. De Richelieu, on aura tout dit. Corneille avait commencé par la célèbre épitaphe, quand on parle en bien ou mal du fameux cardinal, « Ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. » Cet homme rouge, n'est-ce pas? Cette figure altière, impérieuse, je disais cela à l'instant, qu'on voit sur l'étoile de Philippe de Champaigne, cette silhouette mince qui porte quelque chose de félin, paraît dominer l'histoire de France, incarner la raison d'État. Nous verrons jusqu'à quel point cette image, image d'Épinal, porte quelque chose de vrai ou non. On l'a présenté sous les traits d'un malade chronique, et c'est vrai que la nature ne l'avait pas gâté, le pauvre, d'un angoissé, d'un tyran, et combien, d'un génie, d'un paranoïaque, d'un jouisseur, d'un travailleur infatigable, d'un mécène absolument hors norme. À mon avis, il était un peu tout cela, un homme complexe. Cet ancien évêque de Luçon, le diocèse le plus crotté de France, disait-il, devenu le tout-puissant ministre d'un roi affaibli et affectivement instable. Commençons par la fin, donc, si vous le voulez bien, par cette année 1642, dont Philippe Erlanger disait qu'elle représentait, je cite, « 12 mois plus remplis d'événements extraordinaires que certaines décennies ». Le destin s'était toujours appliqué à utiliser chaque jour de la vie du cardinal, cette vie touchant à son terme, il lui imposa un rythme d'enfer. Dès le début de cette année fatidique, de cette année 1642, la volonté du cardinal, son obsession, c'est la conquête de Perpignan. Rappelez-vous le contexte, nous sommes en pleine guerre de 30 ans, cette guerre qui plonge l'Europe de 1618 à 1648 dans toutes sortes de conflits. En l'occurrence, à ce moment-là, au début des années 1640, la supériorité de l'armée française sur les armées espagnoles et impériales paraît s'imposer et paraît évidente. Richelieu a un grand ennemi en la personne du comte d'Olivares. On pourrait presque parler d'un alter ego côté espagnol. La France, en décembre 1640, a fait alliance avec la Catalogne, et ce après un excès d'autorité du roi d'Espagne Philippe IV. En 1640, Louis XIII devient même comte de Barcelone. Cette prise de Perpignan est donc pour Richelieu une sorte d'obsession, disons-le. C'est Michel Carmona qui nous le raconte, je le cite. « La prise de Perpignan permettait de soulager la pression espagnole sur Barcelone et donnerait au roi de France un gage d'une valeur exceptionnelle. Olivares en est parfaitement conscient. Il veut défendre Perpignan, mais il estime que la détermination du cardinal et la balance des forces favorables à la France rendent la chute de Perpignan inévitable. » Olivares estime n'avoir qu'une solution pour mettre un terme à la menace que la poursuite de la guerre représente pour la cohésion de l'Espagne. Cette solution, c'est d'éliminer son rival lui-même, éliminer Richelieu. Un homme a été chargé dans le passé de s'occuper du puissant cardinal. C'est le comte de Soissons, né Louis de Bourbon, Louis II de Bourbon. En 1637 déjà, il a été contacté exactement pour le même genre d'affaires. Il avait été conseillé à l'époque par Marie de Médicis. qu'il avait conseillé au cardinal Infant, le meilleur général de l'armée espagnole, qui depuis est mort. Il faut dire que le comte de Soissons a un fort ressentiment contre Richelieu. Il a participé au projet d'assassinat du cardinal à Amiens à la mi-octobre 1636. Et au départ de cette rancœur, le mariage conclu par le cardinal à Nantes entre Gaston d'Orléans et Mademoiselle de Montpensier en 1626, alors que le comte de Soissons avait tout à fait l'intention d'épouser Mademoiselle de Montpensier. On lui a donc volé sa promise et c'est le cardinal qui a orchestré toute cette manigance, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, en 1637, le comte exigeait 400 000 livres pour se mobiliser. Un accord a été signé le 28 juin 1637 avec le cardinal Infant. Il prévoyait 500 000 livres pour la levée et l'entretien d'une armée. Seulement, ne voyant rien venir, le comte de Soissons a dénoncé le traité avec les Espagnols. Et qu'a-t-il fait ? Ben, il n'avait pas le choix. De toute façon, il est rentré dans le rang, il s'est allié, il s'est associé à Richelieu. Il jure de ne pas se départir jamais de la fidélité et obéissance qu'il devait à Sa Majesté, ni avoir aucune pratique ou intelligence qui dût lui être suspecte. Exilé à Sedan depuis 1636, il est là donc à Sedan, mais en fait, il ranime là son animosité contre Richelieu, malgré toutes les protestations de fidélité dont il a pu faire preuve. Au printemps 1640, il est donc recontacté par les Espagnols, par Olivares en personne, qui est en train de monter un véritable complot avec aussi le duc de Guise, le duc de Bouillon. En un an, il monte une véritable armée de 3000 hommes. Le gouvernement envoie face à lui des soldats, avec à leur tête le maréchal de Châtillon. Les forces royales sont battues. Le 9 juillet 1641, à la Marfée, on est sur la rive gauche de la Meuse, 3 heures plus tard, le comte de Soissons, vainqueur de la bataille, meurt à son tour. Alors, comment est-ce qu'il est mort ? Un geste qu'il fait régulièrement est en cause. Il relève la visière de son casque avec son pistolet. Vous savez, cette fois, c'est l'accident. Des pistolets de l'époque n'étaient pas tout à fait bien réglés toujours. Bref, le coup de feu retentit. C'est un accident crédible, mais on dit aussi que cet accident pourrait cacher un meurtre et que ce meurtre serait le fait des hommes du cardinal. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez les dernières années du cardinal de Richelieu. C'est un homme très puissant. La dernière année, c'est un homme très puissant, on vient de le voir. C'est aussi un homme haï, menacé. Il y a des complots qui sont souvent montés contre lui. Bon, même si pour l'instant, il a toujours réussi à écarter le danger. Alors pour l'instant, on a surtout parlé du cardinal. Mais Louis XIII, il n'est pas absent du terrain politique. Quelles sont les relations entre les deux hommes ? Oh là là, ça c'est une affaire complexe sur laquelle nous allons revenir longuement tout à l'heure avec Michel Carmona. Disons que Louis XIII est sous influence, incontestablement. Ouais. Il en passe constamment par Richelieu. Mais en même temps, Richelieu s'inscrit dans une logique de grande légalité. Il est sous la coupe du roi, qu'on le veuille ou non. Vous savez, sa phrase, il dit « les 5 pieds carrés du cabinet du roi sont plus difficiles à tenir qu'une province », disait-il. Et c'est vrai que l'équilibre est délicat entre les deux. Il y a une forme d'adversité. N'oublions pas le caractère tout simplement ingérable du roi, qui change d'avis constamment sur tout, c'est compliqué. Alors pour ce qui est de la fin des années 1630, le cardinal, qui est attentif à ceux qui entourent Louis XIII, s'inquiète de l'influence croissante de Marie de Hautefort, qui est une amie, une confidente pour Louis XIII et qui aurait tendance à faire avancer les intérêts de la reine Anne d'Autriche, la grande ennemie de Richelieu au sein de la cour. Marie de Hautefort voudrait plaider pour la conclusion d'une paix avec les Habsbourg. Tout ça, Richelieu ne veut pas en entendre parler et donc il a tendance à vouloir écarter Marie de Hautefort. Seulement, comment faire ? Le cardinal se dit que le meilleur moyen, ce serait de placer une fois de plus quelqu'un d'autre aux côtés de Louis XIII. Et en l'occurrence, puisque le roi a un certain penchant pour les jeunes hommes, pourquoi pas un beau jeune homme, en l'occurrence un certain Henri Coffier de Ruse et d'Effiat, qui est le fils d'un très haut fonctionnaire de la couronne, qu'on appelle le marquis de Saint-Marc. Richelieu le prend sous sa coupe à 16 ans. Et il va lui offrir les fonctions de grand maître de la garde-robe du roi, ce qui lui va très bien puisque lui-même ne s'intéresse qu'aux plumes et aux rubans. Il pourrait comme ça, auprès du roi, transmettre les messages du cardinal, en quelque sorte, de façon tout à fait innocente en apparence. Et dans le sens inverse, il informerait surtout Richelieu de tout ce qui se trame et de tout ce qui se dit dans l'immédiat entourage de Sa Majesté. Seulement Saint-Mars refuse d'abord de se prêter au jeu. Il finit par se laisser convaincre, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. C'est ainsi que sa carrière de courtisan fait un véritable bond. Il est en vue maintenant, il est extrêmement bien placé, il se rapproche de Louis XIII, ce qui n'est pas si simple. Je cite Michel Carmona. « Les choses ne vont pas tout à fait dans le sens souhaité par Richelieu. La différence d'âge, et bien plus encore la différence de tempérament, semble pousser Saint-Mars à prendre en toute chose l'exact contre-pied des goûts du souverain. Saint-Mars tente toujours de renouveler les vêtements de son maître. Il s'attire les vifs reproches de Louis XIII. » Et puis, disons-le, le jeune homme n'agit pas comme le roi voudrait. Il s'intéresse beaucoup plus à la célèbre courtisane Marion Delorme, dont il devient l'amant de cœur, qu'au roi lui-même. On va le voir mener, si vous voulez, une double vie. Il passe ses journées auprès du roi et ses nuits dans le lit de la courtisane. Évidemment, Louis XIII va manifester une jalousie, mais alors quand je dis une jalousie, complètement démente. En 1639, Saint-Mars se rapproche de nouveau du roi. Il faut dire qu'il y a Richelieu derrière, qu'il n'a pas l'intention du tout de perdre son agent. Il se plaint de Marie de Hautefort, il agit pour que Louis XIII renvoie son ami de cœur. Et Louis XIII va lui dire « Je vous ai donné mon cœur et je promets qu'il ne sera point partagé ». Autrement dit, on va renvoyer Marie de Hautefort. Richelieu peut se frotter les mains, toujours ganté les mains de Richelieu. Ça lui est toujours froid, lui. Quant à Saint-Mars, il peut se dire qu'il a toutes les cartes en main. Il demande même à devenir grand écuyer de France. Non mais on a envie de dire, ça commence à devenir étonnant. Ce garçon a les dents longues. Le roi est complètement entiché de son nouveau favori et il accepte cette demande complètement invraisemblable. Saint-Mars n'a que 20 ans et désormais il est monsieur le grand à la cour. Vous imaginez ça? Ça fait beaucoup jaser, bien sûr. Le jeune homme a tendance à vouloir prendre des libertés vis-à-vis de Richelieu. Il ne jure plus que sur sa propre influence sur le roi. On ne compte pas le nombre de scènes entre Louis XIII et son favori. Ça ressemblerait presque à un vieux couple. C'est assez drôle, d'ailleurs. Les projets de Saint-Mars ne tournent pas toujours comme il voudrait. Il entend notamment épouser la princesse Marie-Louise de Gonzague. Le problème, c'est que cette Gonzague déteste absolument Richelieu. Donc il faudrait savoir, Richelieu a placé Saint-Mars dans l'immédiat entourage de Louis XIII pour avoir un agent à sa solde, et voilà maintenant qu'il favorise les ennemis même du cardinal. Saint-Mars entreprend tout de même d'en parler à Richelieu, qui n'en croit pas ses oreilles. « Elle n'est pas pour un aussi petit monsieur », lui répond le cardinal, qui commence à en avoir soupé de ce gamin. Et là, c'est le début de la guerre. Saint-Mars va essayer d'en finir avec le puissant ministre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le premier à caresser ce genre d'espoir. Il y en a eu beaucoup des ennemis de Richelieu depuis le début. Il a quand même des atouts, le jeune homme. Au printemps 1641, il obtient une place au conseil du roi. Or, il a déjà été approché plus ou moins discrètement par un certain nombre de conspirateurs, comme le comte de Soissons, dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres veulent l'entraîner également. Et au même moment, Saint-Mars est constamment dans la confidence de Louis XIII. On peut dire qu'il a l'oreille du roi. Un jour, celui-ci lui dit, en parlant de Richelieu, « Je voudrais qu'il y ait un parti contre lui en France, comme il y en avait autrefois un contre le maréchal d'Ancre. » Le maréchal d'Ancre, c'est ce Concino Concini que Louis XIII, lorsqu'il était adolescent, avait laissé assassiner quasiment sous ses yeux. Ça commence à devenir très tendu, cette affaire est très dangereux pour le cardinal, bien entendu. Vous voyez à quel point le climat est complexe au sein de cette cour de France et tout ça aboutit une fois de plus à une conjuration dont Saint-Mars va être un des grands acteurs. On monte tout un parti qui s'appuie aussi sur les Habsbourg. Il y a tout un projet de traité qui est même rédigé avec l'Espagne. L'Espagne qui doit envoyer 12 000 fantassins et 5 000 cavaliers à l'appui des conjurés. On va quand même très loin là dans la trahison. La reine Anne d'Autriche a été mise dans la confidence. C'est-à-dire qu'on va vraiment très très loin. Et au dernier moment, Saint-Mars va reculer. Sauf que le traité est bel et bien signé en Espagne le 13 mars 1642. Et c'est Fontrailles qui s'est occupé de cette affaire. Or, Richelieu a aussi des hommes à lui. Il est au courant de tout ce qui se passe, bien entendu. Il fait pression sur Anne d'Autriche. Il veut des preuves qu'il puisse mettre sous le nez du roi. Il faut pour cela faire chuter les conspirateurs et en particulier un favori très cher au roi. On ne sait pas comment le fameux traité parvient entre les mains de Richelieu. Alors là, il y a toutes les hypothèses possibles. Toujours est-il que le cardinal... le moment venu, va pouvoir révéler au roi l'étendue de la conspiration. Et bien entendu, au premier rang des conspirateurs, il y a l'ami particulier de Sa Majesté. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous revivons grâce à vous Franck aujourd'hui la dernière année du cardinal de Richelieu. On l'a vu, il fait pression sur la reine Anne d'Autriche et il va révéler l'étendue de la conspiration au roi Louis XIII. Et oui, alors Louis XIII est très malade, très fatigué à l'époque. Il y a des fièvres dans cette région, on est dans le sud là. On vient de quitter le siège de Perpignan, le roi est à Narbonne lorsqu'arrive l'envoyé de Richelieu qui lui explique les tenants et les aboutissants d'une conspiration dont on a maintenant la pleine preuve, preuve de la culpabilité de Saint-Marc. Et dans un premier temps, Louis XIII ne veut même pas le croire, mais il y a une telle accumulation d'arguments qu'il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Et il va ordonner l'arrestation de Saint-Mars et de ses complices, dont le célèbre De Thou. Et les jeunes gens vont être torturés comme on faisait à l'époque, jugés, et là il y a une seule issue, c'est la mort. Saint-Mars et De Thou sont exécutés le 12 septembre 1642 à Lyon. Richelieu a donc, ça paraît complètement étonnant, mais il a obtenu la tête du favori de Louis XIII. Les relations avec le roi n'en sont que plus compliquées. Vous imaginez comment ça va se passer pendant tout cet automne 1642. Et tout ça a énormément fatigué Richelieu. On a toujours l'image du cardinal retors qui dominerait toutes les situations, qui manipulerait tout le monde comme ça de très haut. Mais c'est pas ça du tout la réalité. En fait, c'est un homme qui prend pleinement part à toutes les affaires auxquelles il est mêlé, qui les subit, si je puis dire, dans sa chair. Richelieu somatise, si on pouvait employer les termes d'aujourd'hui, et les décisions très lourdes qu'il est amené à prendre l'épuisent littéralement. Je vous ai parlé en résumant beaucoup de l'affaire Saint-Marc, mais je vous ai épargné bien des soubresauts de cette année 1642, parce que, comme le disait Philippe Erlanger, il y a énormément d'événements qui se bousculent et Richelieu doit être sur tous les fronts, à la fois tout mener, tout gérer. Ça a raison d'une santé qui déjà était fort chancelante, vous l'aurez compris. Le 28 novembre, le cardinal de Richelieu est pris d'un violent accès de fièvre. Le lendemain, les médecins se rassemblent à son chevet. Parmi eux, il y a le terrible Bouvard qui, on peut le dire, a tué pas mal de monde. Déjà, il a un beau tableau de chasse, lui. Richelieu, malgré sa faiblesse, continue à mener les affaires, à vouloir garder prise sur les événements. Il n'est pas du genre à se laisser désarçonner au premier coup de boutoir. Seulement le 2 décembre, il en est à cracher du sang. Et il poursuit néanmoins sa correspondance et il reçoit le roi Louis XIII. Il évoque quelqu'un pour lui succéder, car il a bien compris que maintenant c'est de saison. Il parle de Mazarin, bien sûr. Finalement, le 4 décembre, en fin de matinée, la mort vient cueillir Richelieu, si j'ose dire, ou le chercher poliment. Avant de disparaître, il demande à la duchesse d'Aiguillon, qui est là et qui veille sur lui, de s'éloigner et lui dit « Rappelez-vous que je vous ai aimé plus que toutes les autres. Il ne serait pas bon que vous me vissiez mourir. Je vous prie, madame, retirez-vous maintenant. » Et la duchesse va donc s'éloigner. Il y a chez Richelieu, au-delà de la force extraordinaire de l'homme d'État, une délicatesse très grande et des fragilités qui sont là permanentes. Je cite Arnaud Tessier, « On prête à Richelieu sur son lit de mort un mot que beaucoup d'historiens considèrent comme apocryphe. Il aurait répondu au curé de Saint-Eustache qui lui demandait au moment même de l'extrême-onction s'il pardonnait à ses ennemis, « Je n'en ai jamais eu d'autre que ceux de l'État. » Comme toutes les idées forces du cardinal, le mot de la fin est d'une authenticité et d'une cohérence qui interdisent de le considérer simplement comme une jolie formule à la Sacha Guitry rajoutée post-mortem. Richelieu a fort bien pu le prononcer sous une forme plus ou moins proche. « Je n'ai jamais eu, mon père, d'autres ennemis que ceux de l'État. » Au cœur de l'histoire sur Europe 1.